La seule chose qu'il mérite, c'est d'aller à Cayenne. Vous êtes bien sur Radio Cayenne, on est en live ce lundi 16 mars 2020 et on va continuer un petit peu sur notre lancée, vous parler du coronavirus sous l'angle... Coronavirus. Ok, là on va vous parler un petit peu de l'angle du contrôle de la population. Youpi. Et du coup, alors il y a un truc que j'ai lu sur les réseaux sociaux que j'avais un petit peu envie de déjà de... débunker, démystifier, comme on dit en français. Alors, il y a des gens qui pointaient le fait que ce 13 mars, il y a eu un décret qui modifiait le code de la défense, et le décret était intitulé « Relatif aux organismes susceptibles d'accueillir des militaires en affectation temporaire ». Alors, ok, ça a l'air troublant comme titre, et c'était un décret qui listait un peu les organismes où les militaires étaient susceptibles d'être accueillis. Sauf qu'en fait, c'est un décret d'application d'une loi de d'août 2019 qui porte sur la mise à disposition des militaires dans d'autres entreprises ou administrations. Donc ça a un petit peu rien à voir avec le contexte actuel. Et je dis juste ça pour... ça peut être bien d'essayer de vraiment vérifier ce qu'on propage comme info. Donc voilà. Donc là, effectivement, c'est troublant vu le timing, mais c'est des trucs voilà, qui arrivent, quoi. Qui dataient de avant, mais en même temps, c'est dans une même logique. Du coup, enfin, c'est pas si troublant que ça, tu vois. Alors si, parce que la mise à disposition, c'est enfin, c'est un truc qui est spécifique à la fonction publique. Enfin, c'est des choses de mobilité à l'intérieur des carrières. Des gens qui sont dans la fonction publique, on va dire, quoi. Ça n'a rien à voir avec le fait de sécuriser des intérêts privés. Non, voilà. Via des fonctionnaires. Voilà, c'est pas ça, quoi. On va enchaîner sur un autre point. Alors je vais commencer par un petit peu d'historique, ça va être plus simple comme ça. Alors en 2011, il y a deux scientifiques de l'université de Cambridge au Royaume-Uni qui avaient conçu une application qui s'appelait FluPhone. Flou comme grippe en anglais, qui permettait par le biais, alors je crois que c'était notamment le Bluetooth et le Wi-Fi, de loguer, enfin d'enregistrer les interactions de proximité entre les personnes qui disposaient de cette même application sur leur téléphone. Je ne sais pas si c'est très clair. Et donc qui permettait à la fois donc d'enregistrer ces passages à proximité, on va dire, de différents utilisateurs de cette application, et de signaler dans l'application les symptômes de la grippe, ce qui permettait a posteriori de vous notifier si vous aviez été en contact avec quelqu'un qui, après, a fait état de symptômes. Ce qui peut permettre de se dire peut-être j'ai été contaminé par cette personne qui n'avait pas encore manifesté de symptômes quand je l'ai rencontré. Alors c'était une application à but scientifique. Alors ça présente un certain nombre d'intérêts, on va dire, en termes d'études de la propagation des épidémies et en l'occurrence. Enfin, du coup, oui, voilà, de propagation des épidémies, de comment se passent les périodes d'incubation, comment persistent les virus dans l'environnement, etc. Là, sur cette expérience à Cambridge, qui a été en vrai assez limitée et qui s'est un petit peu limitée à Cambridge, il y avait moins de 1% d'utilisateurs de cette application. Donc voilà, donc ça, c'était un petit peu un début de ce concept-là. Sauf que là, avec l'apparition de cette pandémie de coronavirus, il y a plein de gens, et plein d'États et d'entreprises surtout, qui ont remis un petit peu ces idées au goût du jour, mais on va dire un peu plus à leur sauce. Alors il y a notamment trois États qui ont pas mal utilisé ce concept-là de traçage électronique des personnes malades. Alors c'est en l'occurrence la Chine, la Corée du Sud et Israël. Et les États-Unis commencent à s'y intéresser aussi. Donc là, c'est pas un article qui parlerait de comment ça s'est passé en Israël, que j'ai un petit peu pris connaissance de ça. Il y a une application pour smartphone qui s'appelle TrackVirus, qui donc propose aux gens d'être au courant s'ils ont croisé des personnes qui ont été testées positives et répertoriées par le ministère de la Santé. Donc, ce qui veut dire que l'application, on la télécharge et on l'installe sur la base du volontariat pour savoir si on a été en contact avec ces personnes-là, mais que cette application est aussi nourrie par une base de données du ministère de la Santé israélien, qui répertorie des personnes qui n'ont pas donné leur accord pour être dans cette base de données et utilisée par cette application. Donc pour être un petit peu plus clair, le gouvernement israélien a donc approuvé ce dimanche ce flicage des malades et des personnes avec qui ils ont été en contact. Cette mesure, elle est valable pendant la durée de la crise et pour 30 jours. Et pour 30 jours, donc à la fin desquels ces données sont censées être supprimées. Donc on sait comment fonctionnent les fichiers en général, comment ça se fait. Ça peut se faire un petit peu à l'arrache, que ce soit sur les fichiers d'empreintes ADN, etc. Ici comme ailleurs. Donc voilà, donc le service de sécurité intérieure israélien, donc le Shin Bet, va donc avoir sur cette période un pouvoir légal de surveillance de la totalité de la population. Donc par le biais des connexions des smartphones. Donc ce qui évidemment pose plein de questions éthiques en termes de confidentialité, de sécurité sécurité. Ouais. Dans cette pandémie, il y a des antécédents qui sont justement très très inquiétants, en l'occurrence en Chine et en Corée du Sud, qui ont eu recours à ce dispositif. Voilà, donc en Corée du Sud, ce dispositif, il a eu un bilan plus que mitigé. Donc c'est le même système qu'en Israël, quoi. Il y a le ministère de la Santé qui avait les données des malades et qui les a transmises par voie électronique à la population. Alors ce gouvernement s'est un petit peu amusé à envoyer des SMS détaillant les mouvements de personnes contaminées, ce qui a apparemment alimenté une relégation sociale et des rumeurs à la fois graves et totalement contre-productifs. Je ne sais pas si c'est plus grave, mais ce même gouvernement de Corée du Sud a utilisé cette application. Enfin, donc, ces données, cette application, pour s'assurer que les personnes mises en quarantaine restaient bien à leur domicile. Voilà, donc, en termes de flicage, on va assez loin. Donc, autre chose, en Chine, il y a des applications qui n'ont vraiment rien à voir avec le schmilblick de la santé, des problèmes sanitaires, qui sont les applications WeChat et Alipay. Alors, je ne me suis pas plus renseigné que ça dessus, mais WeChat... comme son nom l'indique, à mon avis, c'est un système de chat. Et Alipay, alors Aldi, je crois que c'est les supermarchés là-bas. C'est pour payer au supermarché. Voilà, ça doit être ça. Ouais. Et donc, qui ne sont pas dédiés à ces traçages sanitaires, qui se sont quand même amusés à délivrer des consignes sanitaires un petit peu fantaisistes, vraiment pas fiables du tout. Et qui juste se basait sur la géolocalisation des individus pour leur dire si vous êtes dans telle région, faites ceci ou cela. Mais en plus, ils auraient retransmis des informations aux autorités dans le cadre de la gestion de l'épidémie, quoi. Conversation privée. Alors, à mon avis, c'est plus des données de géolocalisation, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà. Alors, pour revenir un petit peu sur un petit peu le fond de ces applications. Il y a aussi des études aux États-Unis qui sont en cours au MIT notamment, donc au Massachusetts Institute of Technology, avec le projet open source CoEPI, qui s'inscrivent alors dans ce cadre qui est très très large entre la recherche universitaire d'épidémiologie Et ce truc de flicage des malades. Donc là, ce serait plutôt l'idée d'études universitaires. Donc qui aurait pour but de voir comment se propage la maladie et l'idée serait plutôt de limiter l'expérience à une seule ville. Alors j'ai eu des chiffres par contre sur une ville pour que ça ait vraiment de l'impact, il faudrait que 20% de la population ait installé l'application sur son téléphone. Donc voilà. Il y a des gens qui veulent aller un petit peu plus loin et du coup, ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'il y a, il y a des gens, des épidémiologues, des scientifiques proches des sciences de la technologie et de l'information, qui ont fait une lettre ouverte demandant notamment à Google et à Apple d'intégrer nativement dans leur matériel et dans leur logiciel des fonctionnalités de détection de proximité, on va dire. Alors, qui serait censé être activé, Que en enfin, cas d'épidémie. alors non, c'est même pas ça, d'être activé par l'utilisateur. Enfin, vous voyez, quand vous installez une application, Et oui. vous cliquez oui en général, hein, donc voilà, c'est dans le principe, hein. Après, on sait comment ces entreprises respectent les principes. Ok, Enfin, Google. là, on parle de. Alors, j'ai pas envie de faire de hiérarchie dans la saloperie que font les multinationales, mais c'est vrai qu'on parle de Google et Apple, mais ça dérange pas les gens aux États-Unis de pointer une firme comme Huawei, donc une firme chinoise de télécommunications, comme étant potentiellement une entreprise qui pourrait revendre des données à la Chine. Mais là, demander à Google et Apple de faire la même chose, ça les dérange pas. Bon, Non, allez comprendre. c'est pas pareil. C'est pas pareil, Ça oui, voilà, c'est le monde n'a libre. rien à voir. Alors, on nous rassure aussi en disant qu'il serait potentiellement possible, selon certains experts, de faire ceci sans avoir recours à des bases de données centralisées. Alors oui, on peut imaginer, effectivement, d'un point de vue technique, De faire ça. de faire ça. Après, est-ce que ce serait ce qui serait fait? Est-ce que ça n'empêcherait pas quand même que ces données soient pompées par des États ou des entreprises? Mais à Ça, quand c'est. le smartphone obligatoire? Parce que là, on parle de smartphone, mais se dire aussi les gens qui n'ont pas de téléphone. Et en plus, les vieux, c'est ceux qui ont le moins de smartphones, mais c'est ceux qui sont le plus Oui, vulnérables à voilà, l'épidémie. Alors là, ça ça pose va. vraiment plein d'autres Ah là questions, là, oui, effectivement. c'est problématique. Est-ce que on est pour l'implantation de puces dès la naissance au final? Comme ça serait plus simple. Alors, Avec géolocalisation. y a un autre truc dont j'ai pas parlé, et oui, d'ailleurs, ce que tu dis, c'est aussi une bonne question. Bon, Ils sont voilà. tarés ces gens-là quand même. Alors, après, ces systèmes d'application vous permettant de savoir si vous avez côtoyé des gens ayant été contaminés, ça présente aussi un certain nombre de problèmes. Hein. Déjà en termes de précision, parce que je suppose que vous avez déjà vu, quand vous essayez de vous géolocaliser avec votre téléphone, parfois ça peut être à une rue près. C'est pas toujours au tip-top de la précision. Sachant que, par exemple, pour là, le coronavirus, on nous conseille au minimum 1 mètre, 1 mètre c'est vraiment très peu. Hein. Pour faire la différence entre vous avez croisé 50 quelqu'un à 5 centimètres. mètres et quelqu'un à 50 cm, ça peut vachement induire en erreur. Donc voilà, c'est pas assez fin. Et aussi, ça peut induire un faux sentiment de sécurité aussi. Genre, j'ai cette application-là. Tant que j'ai pas d'alerte, je me dis tout va bien et je peux juste. Enfin voilà. Donc ça peut amener à relâcher sa vigilance sur des trucs d'hygiène tout simple. Donc oui, ça peut être un petit peu à double tranchant ce genre de système. Donc j'ai un petit peu terminé sur ce sujet-là. Je sais pas si des trucs à ajouter, des questions. Non, pas plus que ça. Après, je pense que c'est intéressant de regarder aussi ce qui se passe dans les pays d'à côté en termes. Enfin, comme toi, tu parlais là déjà un petit peu d'Israël, etc. Mais je pense qu'après, c'est aussi toutes les autres mesures de confinement, de sanctions en cas de levée des confinements, etc. Et de comment les différents États, en fait, profitent aussi de la situation ou abusent, on va dire, de la situation et les Oui. conséquences que ça a sur les populations. Je pense que c'est intéressant, on ne va pas développer là maintenant, parce que moi j'ai pas fait des recherches particulières, mais je pense que ce qui se passe en Iran, par exemple, c'est pas ouf. En Italie aussi, en vrai, hein, c'est pas. Là, Voilà. tout à l'heure, on parlait On parlera de. des sanctions au cas de non-respect du confinement. Ouais, voilà. Est-ce qu'on passe un peu de Ouais, musique? je pense que c'est une bonne idée. Allez, on va écouter quelque chose qui nous met un peu la pêche. Et Yes. c'est parti. My team's got a lot of dons, and we're doing this thing, go check out the songs. Man don't care, we shut down the park, you can see us on stage like what's going on. BBK got a lot going on, Skepta, that's my brother, that's my don. You can never control how man are doing it, it's authentic, can't go wrong. Can't go wrong. Can't go wrong when it's straight from the heart, you can't go wrong. If it's a real vibe, then you can't go wrong. Can't go wrong. Can't go wrong when it's straight from the heart. You can't go wrong. If it's a real vibe, then you can't go wrong. When it's straight from the heart, the music gets heard. Could have been a roadman, could have been a nerd. That told me don't follow the herd. Instinct, yes, I follow the word. I used to go and get what I'm given. Now I go and get what I'm worth. Still going strong cause I can't believe that I'm the wickedest grand MC on this earth. My team's got a lot of dons, and we're doing this thing, go check out the songs. Man don't care, we shut down the park. You can see us on stage like what's going on. BBK got a lot going on. Skepta, that's my brother, that's my don. You can never control how man are doing it. It's authentic, can't go wrong. Can't go wrong. Can't go wrong when it's straight from the heart. You can't go wrong. If it's a real vibe, then you can't go wrong. Can't go wrong. Can't go wrong when it's straight from the heart. You can't go wrong. If it's a real vibe, then you can't go wrong. Yo, I want an MC, bruv. Step in the place and an MC, bruv. Jump on the stage and an MC, bruv. Mash up the place when an MC, bruv. Bruv, I want an MC, bruv. Pass me the mic, I'm an MC, bruv. No question, top flight MC, bruv. Full clip, never on MC, bruv. My team's got a lot of dons, and we're doing this thing, go check out the songs. Man don't care, we shut down the park. You can see us on stage like what's going on. BBK got a lot going on. Skepta, that's my brother, that's my don. You can never control how man are doing it. It's authentic, can't go wrong. Can't go wrong. Can't go wrong when it's straight from the heart. You can't go wrong. If it's a real vibe, then you can't go wrong. Can't go wrong. Can't go wrong when it's straight from the heart. You can't go wrong. If it's a real vibe, then you can't go wrong. What's warning? What's the motion? Fresh out the oven like a Sunday roast. You can find me swimming in the ocean. Sunset, I might drive right in the coast. When it's showtime, jump on the plane and take flight. I stand out like one bright light. Everybody wants their crew to be sick, but you and your crew are just one great hype. My team's got a lot of dons, and we're doing this thing, go check out the songs. Man don't care, we shut down the park. You can see us on stage like what's going on. BBK got a lot going on. Skepta, that's my brother, that's my don. You can never control how man are doing it. It's authentic, can't go wrong. Can't go wrong. Can't go wrong when it's straight from the heart. You can't go wrong. If it's a real vibe, then you can't go wrong. Can't go wrong. Can't go wrong when it's straight from the heart. You can't go wrong. If it's a real vibe, then you can't go wrong. Can't go wrong. Un voyou, il finira à Cayenne. Oui, vous êtes toujours sur Radio Cayenne, on est toujours le lundi 16 mars 2020. Donc là, on va enchaîner un petit peu, on va continuer ce petit dossier sur le Covid-19. Donc on va vous parler un petit peu de nos amis les Capitalos. Ah ouais, enfin, on est obligé. En vrai, on change pas beaucoup de thèmes. Hein. On va parler travail. Voilà, travail. Allez, soyons sérieux. Travail. Hein. Un petit peu. Donc juste un vite fait pour commencer, quelques petites brèves qui sont bonnes à savoir. Ah. Enfin, peut-être après, vous avez vu passer tout ça dans la presse, mais ça fait du bien d'agréger tout ça. Donc il y a Muriel Pénicaud qui a annoncé un nouvel assouplissement du travail du dimanche. Dans le secteur de la logistique, afin d'éviter les ruptures de stock dans les magasins. Parce que c'est vrai que tous les gens qui sont en chômage partiel, ils n'ont plus que le dimanche pour aller au magasin. Ah non, attends. Donc Pénicaud a ajouté que la question du travail de nuit allait être étudiée également, hein, oh, tant qu'à faire. Comme c'est la bonne aubaine. Voilà. De son côté... là, on avait Laurel, on a Hardy, donc Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a annoncé un petit peu plus tôt dans la journée qu'il y avait aussi des assouplissements sur déjà le travail de nuit et les heures supplémentaires qui allaient être mises en place. Il ne faudra pas se plaindre, il ne faudra pas demander à ce qu'elles soient payées non plus. Et ça s'appelle la solidarité. Parce que tant qu'à faire, autant en faire travailler les gens plus. Hein. C'est vrai. Vu qu'ils ne peuvent pas travailler. Les faire travailler plus. Non, je ne sais pas, là, il y a un truc qui ne va pas. Chômage partiel, travailler plus. Donc voilà. Alors, aussi un petit chiffre, le télétravail qui est donc présenté comme une alternative obligatoire aux gens qui peuvent le faire, donc ça concernerait, selon le ministère du Travail, 8 millions de personnes, ce qui est assez énorme, je ne m'attendais pas à un truc... Ouais, c'est clair, pourquoi d'habitude ils n'ont pas le droit de télétravailler eux aussi? Parce que comme ça réduirait par exemple les gaz à effet de serre en se déplaçant pas ou... Non, oui, c'est ça. Oui, mais je pense qu'il y a des considérations dues à la mainmise de la hiérarchie dans le cadre de l'entreprise qui ne fonctionnent pas pareil dans le cadre du télétravail. Ah. Ouais. Bon, puis en vrai, faut le rappeler aussi, l'Internet, c'est pas très écolo non plus. Non. Et après, il faut dire aussi une chose, c'est que d'un point de vue... Des risques socio-psy dans le travail, le télétravail, c'est pas forcément sur tous les points ce qui est le mieux. C'est vrai. Voilà. Mais après, ça pourrait permettre parfois de moins polluer, ça c'est sûr. Hein. Puis d'être un peu plus avec sa famille et ses enfants, plein de trucs, quoi. En fait, de se lever plus tard. Moins stressé, moins fatigué. De pouvoir faire une petite séance de yoga ou un café comme on l'aime à sa maison tranquille, de manger mieux aussi parce qu'on a le temps de cuisiner sur place ou j'en sais rien. Bon, après, c'est pas toujours le cas. Hein, mais effectivement, ça peut être un facteur d'isolement. Voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression que plutôt ce que je connais pas grand-chose du télétravail, mais ce que j'en avais eu comme info, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui demandaient à faire du télétravail et qu'on leur refusait. Et là, tout d'un coup, il y a 8 millions de personnes qui peuvent tout d'un coup le faire, en fait. Il n'y a pas de problème. Comme quoi, ceux à qui on refusait, c'était quand même sachant un peu... que ça pose aussi des questions de fracture technologique. Il y a les gens qui ont le matériel chez eux qui peuvent faire du télétravail. Évidemment. Et les autres sont obligés d'être au chômage partiel. Soit le chômage partiel, soit de... S'ils n'ont pas réussi à obtenir ce chômage partiel, de se taper le risque d'être contaminé. Alors, il y a aussi la question des travailleurs indépendants qui ne peuvent pas accéder ni au chômage partiel, ni, c'est les boules, hein. ni au télétravail. Donc là, apparemment, le ministère du Travail est en train d'étudier la question pour avoir l'équivalent du chômage partiel, sachant que ce n'est pas forcément les personnes les moins précaires. C'est clair, ça dépend quels indépendants. Hein. Oui, carrément. Mais les gens de Deliveroo, par contre, ils vont tourner à plein régime et eux, ça va être plutôt les heures supplémentaires. Là, en plus, effectivement, c'est dans le cadre de la fermeture des restaurants, etc. Là, ils vont avoir deux fois plus de taf puisqu'ils sont autorisés à continuer à travailler. Voilà. En gros, les restaurants où il y avait des salariés qui avaient des statuts à peu près normaux et puis des payes à peu près normales sont fermés. Et par contre, tous ceux qui sont en auto-entrepreneuriat qui étaient déjà surexploités vont pouvoir se faire surexploiter encore et encore plus. C'est pratique le coronavirus quand même. C'est la Startup Nation. Et du coup, justement, en parlant de chômage partiel, j'avais envie de vous faire un petit rappel sur Sequoites. C'est quoi ce dispositif ? Sachant que moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas tout à fait au clair là-dessus. Le chômage partiel, c'est une initiative qui revient à l'employeur. Il doit en faire la demande à la directe, donc à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Il y a une limite par an, par salarié. Donc un salarié peut faire 1000 heures de chômage partiel par an, quelle que soit sa branche professionnelle. Le salarié qui est placé en activité partielle, il reçoit une indemnité horaire qui est versée par son employeur à l'échéance habituelle. Donc si vous êtes payé le 12, le 5 ou le 25 du mois, ça doit être toujours au même moment. C'est pas parce que vous êtes en chômage partiel que l'employeur doit prendre des largesses et vous payer avec 15 jours de retard. En termes de quantité, donc par contre, ça correspond à 70% de sa rémunération brute horaire. Ou alors de 100% de sa rémunération nette horaire s'il est en formation pendant les heures chômées. Un petit peu un cas particulier. Voilà, alors ça c'est l'employeur évidemment, vous dites pauvre employeur qui doit payer les gens à rien foutre. Ah non, je me disais pas ça. Ah mince. J'ai trop d'empathie pour ces gens-là. Ah ouais, ah merde. Non, mais non, tout va bien, puisque l'employeur peut faire une demande d'allocation. Alors, une demande d'allocation d'activité partielle à l'Agence de services et de paiement, l'ASP, qui agit pour le compte de l'État. Donc, c'est l'État qui peut payer. Alors, j'ai pas eu les chiffres de combien, quelle proportion, mais voilà. Donc, payer une bonne partie de cette indemnité qui est reversée aux salariés. Alors, sachant que, un petit truc à savoir en plus, dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'employeur, il doit au préalable consulter pour avis. Donc pour avis, c'est donc consulter, leur dire et puis ils s'en foutent, quoi. Les représentants du personnel. Donc, voilà. Et pour les entreprises qui n'en ont pas, il doit juste informer l'ensemble des salariés. Donc ça, c'est pour le chômage partiel, qui est donc quelque chose qui est à l'initiative de l'employeur. Mais il y a des solutions à l'initiative des salariés. C'est le droit de retrait. Alors le droit de retrait, donc c'est en théorie, vous pouvez, quel que soit votre emploi, donc quel que soit votre statut aussi, hein, CDD, CDI, intérim, stagiaire, donc il y a moyen de recourir au droit de retrait. Alors, il doit y avoir pour cela un danger grave et imminent. Donc ça s'applique si votre employeur ne respecte pas les dispositions du Code du travail et les recommandations nationales. Donc là, par exemple, celle émise en ce moment concernant les trucs d'hygiène de base, quoi. Si votre employeur ne respecte pas ça, vous pouvez faire valoir votre droit de retrait. Donc il suffit d'informer votre employeur de votre décision par n'importe quel moyen, y compris oralement, et juste vous rentrez chez vous. Ou vous ne venez pas au taf. Hein. Parce qu'une grasse matinée, c'est toujours ça de gagner. Ah ça, on le dira jamais assez. Donc voilà, il doit y avoir un danger grave et imminent. Et ce danger grave et imminent prend un sens aussi particulier quand vous êtes susceptible d'être en contact avec des personnes contaminées. Donc dans les transports, les administrations qui accueillent du public, etc. En cas de droit de retrait, vous continuez à percevoir votre salaire. Donc voilà, donc le salaire continue à être versé. Aucune sanction ne peut être prononcée. Alors évidemment, tout ça est très très dans le vague. Hein. C'est si vous avez la force, les réseaux, on va dire, pour faire valoir vos droits. Évidemment, on conseille dans tous les cas de vous rapprocher des syndicats. De votre boîte ou de votre choix s'il n'y en a pas. Et prendre en compte quand même de pas faire des trucs totalement suicidaires avant d'avoir fait ça. Genre si vous êtes en CDD, en intérim ou en période d'essai, oui effectivement. Et que vous voulez garder votre emploi. Oui, et que vous voulez garder votre emploi, sinon c'est pas grave, effectivement. Vous pouvez, faites-le après avoir contacté un syndicat et être un petit peu entouré, quoi. Sachant que j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui se sont fait virer au cours de leur période d'essai parce qu'ils ont fait valoir leur droit de retrait. Donc, voilà. Alors, comme on le disait un petit peu plus tôt, si le télétravail est proposé, le droit de retrait n'est plus possible. Donc, en vrai, ce qui paraît logique. Hein, oui, c'est sûr. Voilà. Quand il s'agit de reprendre le travail, alors c'est votre employeur qui doit vous inviter à reprendre le travail. Vous pouvez le refuser, mais vous devez pouvoir le justifier de la même façon que vous avez fait exercer votre droit de retrait, quoi. Mmh. Donc si rien n'a changé, l'épidémie en est toujours à un stade assez grave, que l'employeur n'a mis aucune disposition en place pour changer les choses, vous pouvez lui dire non, je vais toujours valoir mon droit de retrait. Mais sinon, attention, quoi. Quand votre employeur vous ressonne pour vous dire revenez, il faut vraiment réfléchir à tout ça, quoi. Voilà. Alors, sachant que un petit peu plus d'actualité, dans plein de boîtes, le droit de retrait a été demandé et accordé. Alors, j'ai pas le détail de où ça a été accordé, mais je sais que ça a été demandé à la RATP, notamment au personnel du musée du Louvre, à Renault, à Douai, par exemple. Je pense qu'il y a plein d'autres exemples. Donc, pour revenir sur Renaud Douai, donc il a été confirmé lors d'une réunion enfin il a été confirmé qu'il y avait la contamination de deux salariés par le co coronavirus. Alors malgré cela et le passage au stade 3 donc ce week-end, la direction avait décidé le maintien de l'activité ce lundi et ne proposait que de renforcer les gestes barrières. Et donc un débrayage a été lancé en réponse. Et donc les gens font usage de leur droit de retrait. Donc ça c'est à Renaud Douai. En Italie, il y a énormément de grèves dans plein de secteurs. La métallurgie, l'automobile, l'industrie chimique, les centres d'appel, etc. Et à ce sujet, je vais vous lire un petit communiqué du réseau syndical international, qui s'appelle Solidarité avec les travailleurs et travailleuses contraintes de risquer leur vie pour les profits de quelques-uns, quelques-unes. Enfin, plutôt quelques-uns en général. Donc, le réseau syndical international de solidarité et de lutte exprime son soutien aux travailleurs et travailleuses qui sont en grève en Italie. Face au drame de la diffusion du coronavirus, le gouvernement s'est plié aux demandes des industriels et des banquiers de laisser ouvertes les usines, les supermarchés, les centres d'appel, les banques, de laisser circuler les trains et les bus. Tout ce qu'il faut pour les profits des capitalistes. La bureaucratie des principales centrales syndicales a soutenu cette politique et celles-ci ont signé un accord qui prévoit seulement quelques jours de fermeture pour des usines pour les rendre plus sûres. Tous les scientifiques et les médecins disent que le coronavirus se propage très facilement dans les lieux clos. Donc les ouvriers et ouvrières qui sont forcés d'aller travailler risquent de mourir, au moins d'être contaminés. Il en va de même pour les cheminots cheminotes, les travailleurs et travailleuses de tous les transports, les employés, etc. En Italie, il y a déjà plus de 1 200 morts. Les hôpitaux, qui ont subi de nombreuses coupes ces dernières années, sont désormais pleins, mais cela n'arrête pas la soif de profit des capitalistes. C'est une preuve de la barbarie et de l'inhumanité du capitalisme. Mais les salariés ont décidé de faire grève et de ne pas aller travailler. Certains syndicats de base ont déclaré la grève reconductible. Des dizaines d'usines sont en grève dans tout le pays, des aciéries au secteur automobile, de l'industrie chimique à la métallurgie. Il y a aussi des grèves dans les centres d'appel, les télécoms, le commerce, etc. Nous sommes aux côtés de tous les travailleurs et toutes les travailleuses en grève en Italie. Le capitalisme, c'est la barbarie. Arrêtons-le. Donc voilà, ça c'était un communiqué du réseau syndical international. Donc juste un petit ajout, on a parlé un petit peu de la France, de l'Italie. Là, au Pays Basque, il y a l'usine Mercedes qui aujourd'hui a fermé à 14h. Donc il y avait c'est l'usine Mercedes de Vitoria, donc Vitoria en espagnol et Gasteiz en basque il me semble, qui regroupe 5 000 travailleuses qui ont bloqué leur ligne de production pour protester contre l'absence de mesures sanitaires. Donc la direction a fini par céder et arrêter la production aujourd'hui à 14h. Donc la direction avait dans un premier temps jugé bon de distribuer des masques juste comme ça, sans plus d'instructions, pour 5 000 personnes quand même, faut le dire, alors que ces équipements sont quand même plutôt essentiels au secteur de la santé, par exemple, quoi, plutôt que à des gens qui peuvent juste rentrer chez eux et être payés. Voilà. On va peut-être, avant de continuer sur le sujet, enfin de finir, enfin de continuer plutôt, parce qu'on a encore plein de trucs à dire. Hein. Et ouais. Un petit peu d'ICMU. Du coup, on vous propose de passer Sid Pirate toujours et on espère que YouTube va fonctionner. Pirate un jour, pirate toujours, pirate un art, pirate amour, pirate sans gloire et sans détour, pirate un jour, pirate toujours. Pirate un jour, pirate toujours, pirate un art, pirate amour, pirate sans gloire et sans détour, pirate un jour, pirate toujours. On n'est pas de ceux qui mangent toujours, on n'est pas de celles qui ont de beaux discours, on n'est pas de grands intellectuels, on n'a même jamais lu appel. On n'est pas venu là pour vous plaire, on n'a pas besoin de ça pour la guerre. Donne-nous le nom que tu voudras, de toute façon on n'est pas là pour ça. On est de celles qui s'imposent, un espace libre où on dispose. On n'est pas de ceux qui lisent l'image, on a pesé l'encre dans la marge. On n'a plus le choix, y'a rien à perdre, y'a plus moyen, vos concessions. On est de ces fous sans trop de questions, on n'hésite pas, on monte au front. On présente pas dans vos standards, on boit, on danse très tard le soir. Peut-être borderline, passe un passage, pas toujours simple, un lion en cage. Tu m'appelles Schlag et je t'emmerde, zone à hippie ou punk à chien. Tu préfères me clouer au pinacle, moi je préfère ma cour des miracles. On sait qu'on sera cher à canon pour les biens propres politicards. Fort cramé sur vos barricades, pendant que vous réécrirez l'histoire. Et peu importe à l'abordage, pour faire exploser notre rage. Pirate un jour, pirate toujours, aussi loin de vos beaux discours. Si les lignes tremblent, si les marches bougent, c'est pas seul sous vos drapeaux rouges qui ont vite fait de nous évincer quand la bataille est terminée. Une tête de mort sur un fond noir, Jolly Roger pour les ignares. On préfère notre cour des miracles que ta politique du spectacle. On fera pas le tri des acceptables, ici tout le monde sera à la table. Et c'est pas tous les jours facile, et peut-être même ça nous rend fragile. On est peut-être là moins efficace, on fera pas le tri entre les classes. On est peut-être moins organisé, mais notre chaos et notre fierté. De zad en zad, de lutte en lutte, de ville en ville, de squat en port. Ce qui est certain, c'est qu'à jamais résonne le chant des boucaniers. De zad en zad, de lutte en lutte, de ville en ville, de squat en port. Ce qui est certain, c'est qu'à jamais résonne le chant des boucaniers. Pirate un jour, pirate toujours, pirate anard, pirate amour, pirate sans gloire et sans détour. Pirate un jour, pirate toujours, pirate un jour, pirate toujours, pirate anard, pirate amour, pirate sans gloire et sans détour. Pirate un jour, pirate toujours. Pirate un jour, pirate toujours, pirate anard, pirate amour, pirate sans gloire et sans détour. Pirate un jour, pirate toujours, pirate un jour, pirate toujours, pirate anard, pirate amour, pirate sans gloire et sans détour. Pirate un jour, pirate toujours. Et voilà, sans jingle, on continue le petit dossier sur le coronavirus. Aujourd'hui, ce lundi 16 mars 2020 sur Radio Cayenne. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'implication pour les chômeuses. Donc, bonne nouvelle quand même. Bonne nouvelle relative, hein. Le second volet de la réforme du chômage, dont le début d'application était prévu pour le 1er avril. Poisson d'avril. Et pourtant non. Est reporté au 1er septembre. Donc ce n'est que reporté. Hein. C'est toujours ça de prix. Voilà, ça fera quelques euros de plus pour les gens. Hein. Mm-hmm. Et donc voilà, donc il y a Muriel Pénicaud qui a dit que la réforme a été conçue dans un contexte qui n'a plus rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui. Ah! Donc, en vrai, ça questionne beaucoup ce report. Hein. Est-ce qu'elle va l'annuler carrément, non, à un moment ? Ah non, puisque c'est reporté. Mais voilà. Mais ça sonne un petit peu comme une forme d'aveu, quoi. C'est comme quoi cette réforme, elle fragilise les plus précaires. Ouais, c'est clair. Donc, pourquoi le contexte ? Enfin, ils font des lois selon le contexte. Je trouve ça un petit peu particulier. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un report qui était demandé depuis plusieurs semaines par les syndicats. Donc la CFDT est extrêmement contente. Hein. Voilà. Bon, voilà. Il en faut peu pour les CFDT. Hein, quand oui, même. Non, mais c'est la CFDT, quoi. Là, bon, de leur côté, FO et la CGT demandent vraiment carrément de mettre fin à la réforme. Pôle emploi, toujours. Donc la CGT Pôle emploi qui demandait de plusieurs semaines... Les mesures que je vais vous énoncer, notamment, a obtenu le gain de cause. Du coup, la direction générale de Pôle emploi a annoncé notamment la fermeture au public des agences, sauf urgence Et donc voilà, donc la fermeture à public sauf urgence et l'arrêt des contrôles de recherche d'emploi. Ah. Voilà. Donc là, c'est le moment de rien branler. Pour changer. Oui, évidemment. L'arrêt des contrôles et l'arrêt de la gestion de la liste des trop perçus. C'est bien, ça. Donc, si vous avez un trop perçu, bah, rien ne presse. Du coup, attendez juste qu'il vous relance. Hein. Profitez-en un peu. Mais pas trop, parce qu'après, il faudra bien qu'il... Y compris des procédures en cours. Il faudra bien rembourser un moment ou un autre avec eux. Voilà. Donc, ils vont se concentrer sur tout ce qui est à distance. Donc, il va falloir quand même s'actualiser. Et il y a toujours moyen de s'inscrire et d'être, heureusement, indemnisé. Des nouvelles des Gilets Noirs. Ah. Ils s'organisent aussi face à la situation. On peut rappeler qui c'est les... Alors, les Gilets Noirs, c'est un collectif de sans-papiers. Je crois qu'il y a un collectif à Nantes aussi qui existe. Oui, qui n'est pas très actif. Je ne sais pas s'il existe encore. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est une communication du collectif à Paris qui a des besoins en grande quantité. Alors, sachant que c'est valable à Paris, on peut s'imaginer que c'est valable un petit peu partout pour toutes les personnes sans-papiers. Donc besoin de thermomètres, de savon liquide, de produits désinfectants, de javel, de paracétamol, de nourriture non périssable et de gel hydroalcoolique. Donc alcool à 70 ou 90 degrés. Donc voilà. Il y a vraiment des problèmes spécifiques donc pour les personnes sans papier. Là, que ce soit en termes d'hygiène... et de produits de première nécessité, mais évidemment de logement. Et d'accès aux soins, quoi. D'accès aux soins. Et aussi pour les personnes qui travaillent, on a parlé de droit de retrait, mais quand vous n'avez aucun droit, c'est quand même très compliqué, vachement plus compliqué. Ouais. Quand tu n'as pas de statut, même si c'est le patron qui te dit de ne pas venir parce qu'il ne travaille plus, là, juste, tu n'es pas payé. C'est ça. Donc, voilà. Oui, bah oui, ça va être encore, de toute façon, les populations les plus pauvres et qui ont le moins de droits qui vont être le plus touchées. Et là, du coup, sur Twitter, il y a les Gilets Noirs de Paris qui disent que, y compris dans les foyers, il y a les administrations des foyers qui donnent aucune information sur le virus et comment s'en protéger. Juste, ils ferment les cuisines collectives et les lieux de prière et continuent à encaisser les loyers, bien sûr. Alors, peut-être on remet un petit morceau avant de passer les trucs sur la tôle. Allez, on peut faire ça.